Banquette. C'est ce que chantaient en 2005 les Britanniques de Bloc Party. Banquette, un titre d'actualité, puisqu'en ce moment même, au congrès de Reims, ben, c'est Bertrand, Benoît et Martine qui aimeraient bien ne pas trop faire banquette, justement. Dites, ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel ? Vous êtes malade ? Bon, j'insiste pas. Bon, alors comment va se terminer cette tragicomédie qu'est ce congrès de Reims pour le Parti Socialiste ? Eh bien, nous le saurons très bientôt, mais sache dès maintenant que dimanche prochain, la panique au Mangin Palace te concocte une édition spéciale consacrée au monde merveilleux des socialistes. Cela dit, en amuse-bouche, nous allons immédiatement retrouver notre petite session freudienne. Car cette semaine, avec Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, nous avons été attentifs aux déclarations préparatoires de quelques ténors socialistes pour ce congrès de Reims, justement. Ainsi, découvrons ensemble ce matin comment les petites phrases de la semaine s'entrechoquent et se répondent pour un patchwork nucléaire qui reste assez éloigné de la fusion d'émotions. Allez, en route maestro, ainsi soit-il. Jean-Luc Mélenchon, bienvenue. Je m'arrêterai pas. Première question, toute simple. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le Parti Socialiste ? Tu pourrais essayer d'autres méthodes. Ça va, c'est pas la peine. C'est alors que vous participiez à une motion, celle de Benoît Hamon, qui a totalisé quand même 19%. Je prends au sérieux Ségolène Royal. Oh, je t'en prie, arrête un peu. Elle a gagné. Et les motions issues de l'ancienne majorité du parti. Ça ne m'intéresse pas. Tu te mets tout le monde à dos. La ligne, en gros, de centre-gauche, avec de temps à autre des petites pointes gauchisantes, verbales, hein. Mais je me mets tout le monde à dos depuis l'âge de 3 ans. Se battre à l'intérieur du Parti Socialiste, je fais ça depuis 20 ans. J'ai vieilli, j'ai moins de cheveux sur la tête, parfois je me sens seul. Avec le résultat que l'on voit, à savoir que c'est la ligne de centre-gauche qui l'a emporté. Il est 8h20, l'invité de France Inter, et ce matin, la présidente du directoire d'Areva. T'aurais peur de moi ? On parle d'énergie nucléaire. Bonjour Anne Lauvergeon. Bonjour. Comment se porte le nucléaire ? C'est une affaire prospère. Alors, le nucléaire a deux avantages considérables. C'est que d'abord, c'est l'énergie de base, c'est-à-dire ça fonctionne tout le temps. Et le deuxième avantage, c'est que c'est moins cher. On y trouve tout. C'est le dépotoir de l'histoire. Nous savons recycler aujourd'hui 96% des déchets. Alors là, première nouvelle ! Il va falloir qu'elle s'explique ! Et tout de suite ! Venez voir avec nous ce qui se passe vraiment dans l'industrie nucléaire. Vous pourrez ensuite ne pas être d'accord, mais venez d'abord voir. Tous les résidus de la société de consommation deviennent grâce à elle l'armement du futur. Le Premier ministre a dû répondre à des questions sur la retraite à 70 ans pour les volontaires. D'abord parce que le sujet préoccupe tout le monde. Bien chers annonceurs, je suis révolté par la façon dont les personnes âgées sont dépeintes à la télévision. Et ensuite parce que les sénateurs s'en emparent, aujourd'hui même. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas de fringants vieillards obsédés par le sexe. Le projet est anxiogène, 2/3 de Français sont contre. Beaucoup d'entre nous sont amers, ils ont le cœur lourd de ressentiment. Parce qu'ils estiment que cette mesure pourrait remettre en question... Quand ils se souviennent du bon vieux temps. L'âge légal de la retraite. Ségolène Royal était l'invitée du 20h de TF1 hier soir. Et parce qu'elle est belge, je devrais y aller, c'est quoi cette espèce de logique consternante ? Et oui, elle a envie de prendre la tête du parti, mais non, elle n'est pas encore officiellement candidate. C'est vrai que j'en ai envie. Moi je trouve bizarre, mais à la limite je peux comprendre. Mais surtout, ce que je veux d'abord, c'est être rassembleuse pour deux. Puis deux, c'est un minimum. Pour trois, pour quatre. Soi-disant qu'on commence à se marrer à partir de six. J'ai donc rencontré Bertrand. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Martine. Si ça va pas, on arrête. Grosse limousine noire qui se gare sous le perron. Motif de votre visite ? George Bush, tout sourire, a accueilli son successeur à la Maison Blanche, Barack Obama. C'est à moi tout ça, c'est ma maison, hein. Je peux en faire exactement ce que je veux, c'est ça. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un noir élu président est entré hier dans le bureau ovale. Ce vase est mon vase, d'accord ? Donc je peux faire du basket avec si ça me démange. Je peux aussi faire un panier avec. Alors, les plus vigilants d'entre nous ont sans doute repéré dans la presse, entre deux entrefilés, que Barack Obama a été élu le 4 novembre dernier, 44e président des États-Unis d'Amérique. Certes, le nouveau président n'entrera officiellement en fonction qu'en janvier prochain, mais dès l'annonce de son élection, Barack Obama a reçu un appel téléphonique de George W. Bush, le félicitant et surtout lui proposant de passer à Washington pour une visite de la Maison Blanche, toujours très classe W. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les beaux Barack fut tout de même un peu étonné du ton frivole employé par George Bush, qui semble d'ailleurs ne pas avoir totalement rompu avec de vieilles habitudes. Et c'est ainsi que lundi dernier, Barack Obama est arrivé à la Maison Blanche accompagné de son épouse Michelle. Le nouveau couple présidentiel était très ému sur les marches du perron de la Maison Blanche, devant la porte de leur futur domicile. Et c'est George Bush lui-même qui est venu ouvrir la porte au nouveau locataire, devenu le plus célèbre des couples d'Afro-Américains, que président Bush, toujours un peu distrait, n'a pas immédiatement reconnu. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si vous faites tout ce que je dis, ça doit nous laisser une bonne marge. Alors vous deux, vous allez me prendre tous ces produits et me nettoyer l'intérieur de la voiture. Vous me faites ça vite, vite, vite. Nettoyez-moi les tapis et les coussins un bon coup, mais n'en rajoutez pas, c'est pas la peine. Vous allez nettoyer à fond toute la merde du pare-brise, des vitres et de la lunette arrière. Allons-y. Barack Obama, très diplomate, a alors corrigé d'un sourire la grosse bourde de George Bush en lui tendant la main et en se présentant comme le nouveau locataire, à savoir le 44e président des States, avec sa femme Michelle. Évidemment, George Bush, accompagné de sa femme Laura, leur propose alors la présentation des lieux. Bienvenue dans notre demeure. Nous avons un beffroi, un marécage et bien sûr, un cul de basse fosse. Téléparcable. Bien entendu. Débit. Oh, c'est votre petite grenouille. Oh non, ça c'est notre bébé. Oh, que c'est mignon. Les Bush ont marqué de leur empreinte la décoration de la Maison Blanche, tout autant qu'ils ont marqué le monde de leur empreinte de leurs Rangers. Les deux présidents, l'actuel et le futur, accompagnés de leurs épouses respectives, traversent une à une les différentes salles de travail de la Maison Blanche. Ils entrent dans le bureau ovale, puis se rendent dans les appartements privés où George, avec Joshua Bolden, son secrétaire général de la Maison Blanche, sont très fiers de présenter à Barack Obama une de ces transformations imposées dès son arrivée dans les lieux en janvier 2001, la salle de torture. Vous mettez le pied de votre gars là-dedans, vous fermez bien et vous tournez la vis jusqu'à ce que vous entendiez le bruit de l'os. J'ai chaud, je ne me sens pas très bien. Bon, ça c'est du classique, hein, on en trouve à peu près partout. Bon, celui-là c'est le modèle adulte, mais on a toutes les tailles. Hein. Mais qui c'est qui invente ces trucs? Vous les connaissez les mecs, vous? Ça a toujours plus ou moins existé. De temps en temps, on tombe sur un farfelu qui croit qu'il a inventé l'eau chaude, mais le plus souvent, c'est une adaptation d'un modèle existant. Mais sinon, vous avez rien de plus festif, là de... Si vous aimez, j'ai ça. C'est pour arracher les noix. Les noix, les fruits? Ah non, les noix. Vous savez, la torture, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Quand c'est fait par un pro, il n'y a pas une goutte de sang. Le simple fait de déballer les outils, le gars, il craque. Et s'il craque pas? Alors là, c'est la boucherie, quoi. Ah, la boucherie. L'antithèse de l'Obamania, puisqu'en 2006, George Bush avait autorisé la torture sous certaines conditions. On croit rêver. Et Barack est assez choqué de ce qu'il découvre. D'autant que la visite se poursuit de surprise en surprise. Dans les toilettes, il trouve les papiers du protocole de Kyoto. Sous le lit, les droits de l'homme sont emballés dans le Patriot Act. Et un peu partout, des idoles dédiées au dieu dollar. Barack et Michelle Obama sont sidérés de l'état d'insalubrité dans lequel se trouve la Maison Blanche. Visiblement, George Bush ne se rend compte de rien et Laura Bush encore moins. C'est ici que se termine la visite. Ceux qui veulent visiter le parc le peuvent, mais seules les allées sont permises, les massifs sont privés. C'est fini. Michelle Obama est ulcérée de voir le bordel foutu par les Bush pendant 8 années à la Maison Blanche, sans parler des conséquences dans le reste du pays et un peu partout dans le monde. Non, vraiment, pour Michelle Obama, reprendre la suite avec un tel état des lieux, c'est direct courir à la cata. C'est ça? Hein, c'est ça la grosse surprise que tu me préparais depuis des mois? Une fois les travaux finis, vous allez avoir une vie de rêve. Non mais vous êtes malade. Mais jamais je viendrai vivre dans cette maison délabrée. Ah non, elle est pas délabrée, tu l'as dit, elle est en fin de travaux. Mais si, si, elle est délabrée, tout comme ton cerveau d'ailleurs, tout est délabré chez toi. Non mais attends, je vous l'avais dit, une femme sur un chantier, c'est jamais bon. Une femme sur un chantier, ce n'est jamais bon. Sauf quand cette femme est complice. C'est le cas de Laura Bush, qui a beaucoup appris de son mari sur les coups tordus et qui a mis au point un ultime stratagème pour faire fuir les Obama de la Maison Blanche. Et elle y croit, Laura. Autrefois, il y avait une tribu qui avait élu domicile dans les grottes. Ils emmuraient les fous et les laissaient mourir. C'est ici qu'ils sont. Mais enfin, tu parles de quoi? Il y a des gens enterrés ici. Arrête! Oh, mais tu comprends vraiment rien! Il faut que ce soit fait! Ils sont emmurés ici! Tu as fini de démolir ce mur? Excuse-moi, Georges, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais je vous dis qu'ils sont emmurés ici! Georges! C'est le passage qui mène à l'enfer! Oui, alors là, Obama, qui a dû affronter Sarah Palin dans la course à la présidence, se dit vraiment que non. Ce n'est pas cet énième coup tordu des Républicains qui peut le faire changer d'avis. Surtout que Barack, son projet, c'est d'épousseter très vite l'héritage poussiéreux des années Bush. S'il vous plaît. Bien sûr, please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please, prends la poussière au piège. Et je ferai pas ça tous les jours, car récupérer l'Amérique de George Bush ne va pas être une tâche facile. Et il n'est pas au bout de ses peines, Barack. Et on lui souhaite bon courage, car il doit se préparer solidement à affronter des jours de grêle s'il veut éviter la déprime. Quand j'ai ma mine des jours de grêle, quand la déprime me fait de l'œil, quand je m'abîme sur des poèmes où rien ne rime sur feuille, je les roule en joint d'oxygène, je me pique de cette amoureuse. T'es la seule héroïne que j'aime, ma belle poudre scandaleuse. Et je smoke another air. Oui, je smoke another air. Et quand à longueur de journée, les médias de l'info me crient, l'Iroquois se refait plumer par les rois des poules en batterie. Je me soulade des fontaines, m'extasie d'une heure silencieuse, dans la quiétude sereine, ma pile taille intraveineuse. Et je smoke another air. Oui, je smoke another air. Oui, je smoke another air. Me fait bien voir de son trottoir, que les défaitistes m'appellent en faisant teinter leurs dollars. Je me donne au vent dans la plaine, tatoue ma peau à l'encre bleue, du soleil des pluies viennent. Je suis ce junkie contagieux. Quand je smoke another air. Oh, je smoke another air. Oh, je smoke. Smoke another hair. C'est ce que nous recommande K, un chanteur suisse. Mais c'est aussi ce qu'a ordonné Nicolas Sarkozy cette semaine à l'ensemble du gouvernement. En gros, le premier qui se fait choper en photo avec un smoking, en pleine crise économique, il va changer d'air, pépère. Et oui, désormais en politique, la priorité, c'est l'image. Je t'ai prévu depuis longtemps qu'on nomme un noir préfet. C'est bien, oui. Mais si Obama n'avait pas été élu, vous l'auriez nommé quand même? Ça n'a rien à voir, je vous dis. Obama à côté, c'est de la gnognotte. Mon noir à moi, il n'a pas une grand-mère blanche ou je sais pas quoi, là. Pardon? Mon préfet, il est 100% noir. Père noir, mère noire, grand-père noir, grand-mère noire. Il n'y a pas plus noir, il est né au Cameroun. C'est moi, j'ai gagné. Ben, c'est pas un concours. Bon, on en fait un, si vous voulez. On fait un 100 mètres, on va voir qui gagne entre Obama et mon préfet. On verra bien qui est le plus noir des deux. Alors, après avoir visité en sa compagnie la nouvelle baraque d'Obama, la panique au Mansion Palace ouvre maintenant, à 11h25, sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sais-tu qu'après-demain, Mickey Mouse va célébrer ses 80 balais, pépère? En effet, le 18 novembre 1928, fut projeté aux States Steamboat Willie, un court-métrage sonore dans lequel déboulait une petite souris aux grandes oreilles, succès mondial. Eh bien, à l'occasion de cet anniversaire, figure-toi que mercredi dernier, Mickey s'est pointé chez nous pour présenter au fantôme de Lina son nouveau film. Ainsi, Après avoir assisté à cette étrange visite, puis à la projection en avant-première, écoutons religieusement ce que nous rapporte notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tend bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons reçu une vedette américaine. Mercredi soir, Mickey Mouse, en personne, est venu présenter son nouveau film. Habitué au misérable studio Disney, Mickey a été très impressionné par les locaux de l'Institut National de l'Audiovisuel. Que c'est beau ! Le vrai luxe ! Rien de beau monde ! Il va falloir être à la hauteur ! On va leur montrer plutôt, on a encore toutes nos chances. Pour l'accueillir, tout le fan club Mickey était là. Et c'est sa présidente qui a pris la parole. Et Mickey, l'ange, c'est une sorte d'ange, Mickey. Vous savez, moi, je suis né en 1933, donc Mickey, c'est une sorte de dieu pour moi. Oui. C'est un dieu enfantin. La salle était comble. Pour commencer, quelques spécialistes ont tenté de résumer sommairement les 80 ans de carrière de Mickey. Mickey, au début, était un petit espiègle, un petit garçon très coquin, prêt à faire n'importe quelle bêtise, et même cruel dans certains premiers courts-métrages. On le voit vraiment faire du mal à des animaux, etc. Bon. Car Mickey a été d'abord une vedette du muet, une vedette du film sonore, du film parlant, du film couleur. Énervé, Mickey a tenu à apporter une rectification de taille à cette présentation incomplète. Vous avez essayé de me caricaturer, de me coller une étiquette dans le dos, et comme d'habitude, vous avez oublié l'essentiel. C'est-à-dire ? Je tourne dans des films de boules amateurs allemands depuis 1986. Ah bon ? Alors, ce sont des petits films sexy que l'on tourne avec des copines épilées qui parlent allemand. Ah bon ? Tous les fans de Mickey étaient très étonnés de cette soudaine révélation. Seul, Gérard Lefort se rappelait bien ce film. Sur le film d'Adrien Lyne avec Mickey. Bon, on nous annonçait le hot du hot, torride, enfin, une bombe de sexe, etc. Donc, on se calme. Et je veux dire que personnellement, ça m'aurait... Bon, la perspective de Mickey en s'envoyant en l'air dans toutes les positions du sadomasochisme, je veux dire que j'étais assez curieux. C'est pas souvent que des stars américaines se risquent à ce genre de cinéma-là. Oui, alors, le seul intérêt du film, c'est qu'on se dit... Ce film a été très, très violemment attaqué dans la presse américaine en disant que c'était vraiment dégueulasse, que c'était honteux, que des grandes stars comme Mickey se commettent dans des cochonneries pareilles. J'ai un Mickey Mouse, un gourdin dans sa housse. Et quand tu le secousses, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousses. En avant toutes et tous, je pousse. Échauffé par le débat, un spectateur a alors proposé une analyse poussée des particularités anatomiques de Mickey. Comme il a toujours des oreilles rondes, n'importe quelle attitude qu'il prenne, on peut bien voir que pour l'inconscient, ce qu'il a sur la tête, ce sont deux globes. Or, le globe, c'est le sein parfait, parce que le vrai sein, déjà, il est à moitié parfait, c'est une hémisphère, mais alors une sphère totale, là, c'est vraiment le pied. Hein, donc je pense que le succès immense de Mickey, depuis 60 ans, il ne se dément pas, il est indépendant de la culture où les BD sont lus par des gosses, et tient au fait que Mickey se balade avec des seins sur la tête. Heureusement, l'heure de la projection est arrivée. Et Mickey a enfin présenté son film. Les liaisons pornographiques. Car oui, pornographiques. Hein. Regardons ce merveilleux film. Mickey ? Mickey ! Oui, forcément. Porno à 15 balles, je fais avec ce que j'ai. Hein. J'espérais pas avoir Sharon Stone. Hein. Mickey ? Merci Flora Bernard pour cette révélation fracassante du Manchin Palace, puisque nous venons d'apprendre à l'instant qu'à 80 ans, Mickey s'oriente désormais vers une carrière de pornostar. Quel talent ce Mickey! Mais bon, sans vraiment quitter l'esprit potache et porno, eh bien passons dès à présent à nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h30, il est grand temps de retrouver un nouvel épisode de notre guerre de récession qui, comme partout en France, frappe de plein fouet Grosboule-les-Bains. La presse locale en parle peu, mais plusieurs PME de la région ont encore supprimé de nombreux emplois ces derniers jours. Et vois-tu, devant ce marasme économique et social, samedi dernier, au cœur de l'automne, Jean-Claude avait surtout besoin de plaisirs simples et il en a fait part à Monique. Hey, je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie use. Hey, j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne pêche, je suis un homme mûr, j'ai des mômes, une voiture. Hey, dans 3 ans, c'est la retraite. Je sauverai pas la planète. Je vais pas me prendre la tête, non. Pas me prendre la tête, non. Non. Oui, une balade en forêt à l'automne, voilà une excellente idée, se dit Monique, qui se permet tout de même de rappeler à Jean-Claude que sa retraite, ce n'est pas vraiment dans 3 ans, d'autant que le gouvernement voudrait bien les foutre au turbin, visiblement, jusqu'à plus d'âge. Enfin bon, d'ici là, une virée dans les sous-bois leur fera le plus grand bien. Monique se souvient d'ailleurs qu'adolescente, elle adorait ça. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était timide, suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Au passage, sache que Jean-Claude se félicite toujours de ne pas avoir rencontré Monique à l'époque où elle était encore une musico-droguée. Non, pour lui, cueillir des champignons et déterrer quelques truffes en forêt, c'est avant tout l'occasion de se faire un peu d'oseille. Et oui, imagine, une grosse truffe par exemple, ça lui offrirait sans aucun doute un mois de salaire. C'est pourquoi, à peine arrivé dans les sous-bois de la forêt de Grosboule, Jean-Claude se met immédiatement à traquer la truffe. Monique est un peu surprise par la technique porcine du Jean-Claude, qui lui confirme néanmoins qu'il n'y a rien de plus efficace pour trouver une truffe. Mais après une bonne demi-heure à retourner la terre, autour de quelques troncs de noisetiers et de charmes, Jean-Claude sent bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'il va trouver la perle rare. Quand soudain, Jean-Claude tombe finalement nez à nez devant une énorme truffe. Oh nom de Dieu, quelle merveille. On dirait de la mousse. Oh, tu es belle, tu sais. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est à pleurer tellement t'es belle. Tu vois, j'ose même pas toucher. Je bande. Ah, je renais. Ah, je revis. Ah. Oh nom de Dieu, bordel de merde. Ah, je suis fou. Ah, je suis complètement zingue. Mais y a de quoi devenir dingue, Jean-Claude. Cette magnifique truffe noire qui avoisine les 3 livres peut se refourguer aux alentours de 1400 euros sur le marché. C'est énorme! Enfin un peu de beurre dans les épinards, Monique! S'écrie Jean-Claude. Mais c'est alors qu'il s'aperçoit que Monique a disparu au milieu des fourrés. Elle s'est éloignée de son côté, à la recherche elle aussi de champignons. Et au détour d'une clairière, voilà que Monique découvre un énorme phallus impudicus, un étrange champignon qui lui rappelle un truc chez Jean-Claude, mais même pas peur. Je n'ai jamais eu peur de rien. J'ai déjà vu des monstres. Et pourtant moi j'en connais un. Oh, qu'il est vilain. Ne voulant pas le voir de près, pour le fuir je me cache au plus profond de la forêt. Mon Dieu qu'il est laid. Mais il revient et sans arrêt à mes pas il s'attache. On dirait qu'il le fait exprès. Mon Dieu qu'il est laid. Mon Dieu qu'il est plaît. Il est passé par ici, coucou. Il repassera par là. Il est passé par ici, coucou. Il repassera par là. Et à courir ainsi dans la forêt pour échapper à ce gros phallus impudicus, Monique finit par retrouver Jean-Claude et son énorme truffe. Monique est très impressionnée, mais Jean-Claude n'est pas encore satisfait. Ce soir, ils reçoivent quelques amis à dîner, et plutôt que de raquer, autant leur préparer une omelette aux champignons cueillis dans la forêt. Le souci, c'est qu'en réalité, Jean-Claude n'y connaît pas grand-chose, question champignons. Du coup, il décide d'appeler sur son téléphone portable un collègue de bureau qui, visiblement, s'y connaît beaucoup mieux que lui et qui lui refourgue quelques bons tuyaux. Il y en a qui m'ont montré sous les buses des vaches. Ils m'ont dit, toi, voilà, tu enlèves et tu verras, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Le champignon en lui-même est tellement bon que ce serait dommage de ne pas en faire participer les autres. Je peux aller en tôle avec ce qu'il y a là-dedans. C'est tellement déchirant, délirant, qu'il serait dommage, de parce qu'on risque un peu de prison, de ne pas profiter. Ça va pas faire mal? Ouais, ça fait 4-5 ans que j'en prends et puis ma santé va toujours bien. Moi, personnellement, ça me prend plus dans les tripes qu'ailleurs. Eh bien, voilà une farandole de champignons très bizarres, visiblement, que viennent de cueillir Jean-Claude et Monique. Mais bon, Jean-Claude fait entièrement confiance à son collègue de bureau et samedi soir, devant ses amis, Jean-Claude était super fier d'apporter à ses convives son merveilleux plat champêtre. Omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. Omelette, omelette, miam miam, aux tomates et aux champignons. Est-ce que ça te met l'eau à la bouche? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que ça te fait péter? Non, non, non. Est-ce que ça te donne envie? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que ça te fait rêver? Moyen. On veut une omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. Oui, une omelette aux tomates et aux champignons très bizarres. D'ailleurs, après le dîner, les amis de Jean-Claude et Monique commençaient à avoir quelques vertiges. Monique, elle, transpirait abondamment, alors que Jean-Claude, lancé dans un trip forestier genre Blanche-Neige sous acide, délirait complètement. Je voudrais être un nain pour avoir une grosse bite. Je voudrais être un nain pour avoir une belle trique. Oh, je voudrais être un nain pour avoir une belle bite. Mais je ne suis qu'un géant et la mienne est petite. Bon, visiblement, l'omelette aux champignons était avant tout hallucinogène et la fin du repas fut hallucinante, forcément. Mais bon, arrêtons-nous là car la suite serait inconvenante. Fin de l'histoire. Cela dit, lorsqu'un des amis de Monique et Jean-Claude a allumé la radio pour chauffer un peu plus l'ambiance, et qu'ils sont alors tombés sur un reportage consacré au danger des champignons, là, les convives ont commencé à flipper grave quant à la récolte forestière du Jean-Claude lorsqu'ils ont entendu les propos du spécialiste. Il faut surtout mettre en garde les récolteurs contre l'entolome livide. Et c'était quoi comme champignon au fait? Je sais pas, j'y connais rien en champignons. Il y a dans notre région en particulier des amanites comme l'amanite phalloïde et ses variétés blanches qui sont des champignons extrêmement toxiques. Et à quoi ils ressemblaient ces champignons? Ah, ils étaient beaux. Ah oui, vous auriez vu ces couleurs, rouge vif tout acheté. L'intoxication aboutira toujours à la mort si elle n'est pas traitée, et même traitée, elle reste extrêmement grave. T'acheté comment? Il y avait des points blancs, il y avait... Hein? Mais qu'est-ce que ça change puisque vous avez pas aimé? C'est pour savoir si en plus de la chiasse, on s'apprête à crever dans la demi-heure. Ah, déjà, ils étaient pas tous pareils, il y en avait des blancs de crème. Bon, ben on est foutus, laissez tomber. We have gone to the country in your old car. We have lost our way so many times. Hello, hello, I take you on a trip. Hello, hello, I take you on a trip. Yeah. Choupi, c'est le nouveau morceau sorti du Cocoon, ce sympathique duo français de pop folk. Cela dit, attention, pour le sociologue Jean Ziegler, après s'être vautré dans le cocon capitaliste, suit l'étape de la chrysalide d'idéologie libérale. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré cette semaine à la douceur du foyer. Oui, l'hiver approche, il fait bon chez toi, et déjà le merveilleux esprit de Noël rôde au coin de ta rue. Mais notre facétieux reporter, Monsieur Julien Dugast, s'est mis en tête, mauvais esprit celui-là, d'aller faire le point sur les mal logés au moment où le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, instance indépendante du pouvoir, s'apprête à révéler, selon le Canard enchaîné, que le gouvernement prévoit une baisse de 10% des crédits affectés au logement entre 2009 et 2011. Madame Christine Boutin, ministre du Logement, serait donc plus mère fouettarde que mère Noël. Mais bon, ne présageons de rien, et après la virgule, découvrons si oui ou non, tous les Français seront désormais décemment logés. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Et toi, comment tu fais? Où est-ce que tu dors? Comment ça se passe? Je dors dans la rue où je vais, où je peux avoir ma tente. Et ce soir, par exemple, tu sais où tu vas dormir? Du tout, c'est à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu pour Charlie dans la rue depuis 10 ans. Tu l'as peut-être déjà croisé en bas de chez toi, sans même le remarquer. Quand on te croise, quand on te voit habillé comme ça, on se dit pas, tiens, non, celui-ci, non, il dort dehors. Parce qu'il y a la fierté, l'honnêteté, la dignité, on est digne ou on l'est pas. Je suis peinard, moi, j'ai besoin de rien. Hein. J'habite une petite piole, là, c'est grand comme un placard. J'ai tout le confort sur le palier, je suis bien. L'ensemble des SDF, c'est tous ceux qui nous ressemblent et qu'on croise dans le métro, mais on sait pas qui sont SDF. Et Augustin Legrand sait de quoi il parle. Ce spécialiste des manifs quechua s'active depuis plus de 2 ans et demi. On a obtenu avec Borloo une loi, le droit au logement opposable. Il n'y a aucun moyen qui a été mis en œuvre pour rendre réellement applicable cette loi. C'est-à-dire que ce n'est pas le juge qui va construire, on le sait. Donc à un moment, c'est bien de créer un droit de recours, mais il faut aussi créer du logement à côté, sinon ça ne sert à rien. Le logement, on ne le crée pas. Le changement, il viendra de nous. De vous et de nous. Il viendra pas d'eux, c'est sûr. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Je comprends pas comment ça marche, tout ça, la société, les règles... C'est quand même pas compliqué de savoir que les règles de la société, moi, je peux t'aider. Par exemple... Non, je connais pas. Non, mais attends, laisse-moi finir. Par exemple, c'est quoi notre régime, c'est quoi, par exemple? Le régime, je sais pas, je le fais, moi. Non, je parle pas de celui-là, je parle du régime... qui c'est qui nous gouverne? Est-ce que c'est, par exemple, des rois, des princes, des princesses, des fées, des dragons, ou la démocratie? Dernier, ça me dit quelque chose. Le droit à l'hébergement effectif, ça c'est une promesse. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut supporter la vue d'un homme ou d'une femme la nuit, l'hiver, sous la pluie, qui n'a pas le droit d'avoir un toit sur sa tête. C'est une situation qui est inacceptable. Quand on a la maison à 15 euros, c'est de la communication. On a 15 000 maisons à 15 euros, c'est du foutage de gueule. Alors on va parler de la maison à 15 euros, c'est bien, c'est pas bien, c'est trop d'endettement. On s'en fout, c'est 15 000 maisons. Et nous on parle de 3,5 millions de mal logés. Et du coup, les 800 associations regroupées autour des enfants de Don Quichotte ne luttent plus vraiment contre des moulins, mais pour que les promesses faites soient tenues. Autrement dit, l'ami, tu n'as pas fini de croiser des tentes dans ta ville. On va être obligé de ressortir des tentes. Et c'est un peu aussi à cause de vous, c'est que finalement, depuis 8 mois, on alerte les médias en faisant des conférences de presse communes, assez historiques parce qu'encore une fois, on est regroupés et qu'on a un diagnostic commun, une boîte à outils qu'on expose. Et puis les médias s'en foutent, quoi. Donc à un moment, ils sont là, ils nous interrogent, ils nous interviewent, puis il n'y a rien qui sort parce que c'est l'été, parce que ça intéresse personne. Et puis en hiver, parce qu'il y a une vague de froid, d'un coup, tout le monde nous tombe dessus en disant « Alors, qu'est-ce qui se passe? La situation des mal logés, des sans-abri empire ?» Et c'est du foutage de gueule, parce que vous savez très bien que des décisions ne se prennent pas maintenant. Et vous savez très bien aussi que les types en hiver meurent moins et souffrent moins qu'en été. C'est une réalité. En été, il y a des infections, en été, les gens pourrissent. Il y en a qui pensent que, voilà, oh, C'est un vaurien, il veut rien foutre. Alors qu'ils connaissent pas notre vie, quoi, je veux dire. Nous autres, les clochards, on est les plus battes et les plus vénards. La vie est si pénible pour les pauvres richards. Alors, devenir sans abri, selon un sondage récent, c'est une trouille tenace chez 60% des Français. C'est beaucoup. Cela dit, les personnes dites « à la rue » ne sont que la partie immergée de l'iceberg, car les mal logés, eux, sont légion. Figure-toi qu'à Nantes, par exemple, nous assistons à un phénomène nouveau cet automne. De nombreux étudiants, dans l'incapacité de se payer un appart, se sont finalement installés au camping. Franchement, t'imagines ? C'est effrayant, non ? D'autant que nous sommes prévenus depuis bien longtemps. Écoutez-moi, vous qui passez, puisqu'on en est débarrassé, vite courons au plus pressé. Le plus pressé, c'est de penser qu'il y a des gens, de pauvres gens, qui sont privés de logement. Qu'on ait construit de beaux palais pour les rois de France. Rien de plus juste en apparence, il le fallait. Et je leur fais ma révérence. Mais alors maintenant il s'agit de s'occuper des sans-logis de toute urgence. Ohé, ohé ! Vous m'entendez, les rois de France ? J'ai connu des tas de filles, des tas de garçons aussi. Mais quand j'ai connu Camille, ah, quel trouble dans ma vie. Camille n'est pas très fille, n'est pas très garçon non plus. Comment expliquer Camille à ceux qui l'ont jamais vue ? Camille est assez spéciale, il ou elle, je ne sais plus, ressemble à une amygdale aux extrémités fourchues. Certains trouveraient atroce son corps car un peu partout, où devrait y avoir des bosses, chez Camille il y a des trous. Comment décrire Camille, canicu, ni sein, ni dos. On dirait une chenille ou un dessin de Picasso. C'est comme un intestin grêle avec une tête au milieu. Un gros triangle isocèle boursouflé, jaune et visqueux. Chaque nuit avec Camille, je m'envole vers les cieux. Je suffoque et m'écarquille, je plane, je suis heureux. C'est vraiment l'apothéose des voluptés de l'amour. Mais la meilleure des choses ne peut pas durer toujours. Gna, gna, gna, gna, gna. Et la promet dans son bocal. Camille. Ah, mais c'est le monstre qui enchanta et que chanta Monseigneur Jean-Yann. Et idem mardi dernier, lorsqu'il nous a rendu visite pour les commémorations du 11 novembre, le prince Charles était accompagné. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel aux absurdes actualités, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien écoutez, oui, j'ai bien lu la presse, mais cette semaine j'étais intrigué par la multiplication d'inquiétants signes eschatologiques. Hop, hop, hop, attention, tout de suite, je le dis à tous les fans de Jean-Marie Bigard qui nous écoutent, et ils sont nombreux sur France Inter, j'ai bien dit eschatologique et non pas scatologique, que ce soit bien clair, serait-ce la fin des temps? Eh bien Philippe, il y a des signes qui ne trompent pas. Ainsi, avant-hier, à Saint-Lô, dans la Manche, les pompiers sont intervenus en urgence pour sortir une vache tombée dans une piscine. Oh. Non. Oh, je vous vois venir. Vous pensez à leur Manodou. Ah, comment vous êtes? Jamais de la vie, oh. Mais non, il s'agissait d'une génisse de 450 kilos. Une vache dans une piscine, c'est très étrange. Et d'ailleurs, le Parisien de mercredi nous apprend une autre histoire de bassin. La piscine de l'INSEP, l'Institut National du Sport et d'Éducation Physique, a brûlé. Ah oui, on a vu ça. Eh oui, une piscine qui brûle, ce n'est pas normal. Bon, non, non, ce n'est pas drôle, Philippe, ce n'est pas drôle parce qu'en plus des dégâts, et c'est le Parisien qui nous dit ça, il y a eu un blessé. Le directeur de l'INSEP qui est tombé d'un camion de pompiers. Ah bah c'est con, hein, depuis Clinton, on savait qu'il fallait se méfier des pompiers. Bon, alors... ça va. Si, c'est sûr. Bon, dans les événements déroutants du moment, il y a aussi le cas de cette piétonne à Nice renversée par un corbillard. Bah oui, c'est quand même étrange, il faut se méfier quand on est à pied. C'est d'ailleurs ce que nous raconte le quotidien canadien The Toronto Star sur la côte pacifique du Canada. Vous lisez des journaux incroyables. Ah oui, le Toronto Star. Bah oui, enfin, je crois que tout le monde lit Toronto Star. Quoi. Sur la côte pacifique du Canada, donc en Colombie-Britannique, un septième pied humain a été retrouvé échoué sur le rivage. On trouve des pieds au Canada, c'est quand même autre chose que des pluies de grenouilles, ça, comme signe eschatologique, hein, c'est des vrais trucs. Bon, alors sinon, comme signe terrible de renversement des valeurs, et quand même, on a un noir à la Maison Blanche, et ce n'est pas rien, ça, comme signe, puisque un des grands penseurs des temps modernes, non pas le néoconservateur Francis Fukuyama et sa très contestée fin de l'histoire, non, comme grand penseur, je pense bien sûr à Nicolas Sarkozy, qui déclarait à Dakar, au Sénégal, le 26 juillet 2007, je cite... Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Super sujet direct, de conversation ça. Avec Barack Obama quand ils se rencontreront. Le quatrième président des États-Unis pourra aussi en parler avec Michelle Obama, arrière-petite-fille d'esclave et 44e première dame. 44e, attention, c'est sans compter les maîtresses, hein, sinon on dépasse 28 000. J'allais vous dire ça. Il y a eu Kennedy Clinton hein, quand même. Alors Philippe, est-ce vraiment la fin des temps? Eh bien... Face aux peurs eschatologiques du moment, quelques malins londoniens ont trouvé une parade, c'est à lire dans Courrier International. La journaliste Ariane Sherin a lancé une campagne afin de contrer toutes les affiches chrétiennes en Angleterre. Mmh. Ils ont des affiches chrétiennes là-bas sur les bus. Alors ça donne quoi? Eh bien, à partir de janvier prochain, certains bus londoniens seront recouverts d'affiches avec ce slogan... Dieu n'existe probablement pas. Alors cessez de vous en faire, waouh, et profitez de la vie. C'est énorme comme slogan. C'est pas mal. Enfin, vous voyez, c'est une jolie parade en tout cas à la bigoterie du moment qui se nourrit en grande partie des peurs en brandissant la menace de la fin des temps. Une fin des temps qui serait l'avènement d'un nouveau monde. Mm-hmm. Eh bien, quand on réfléchit bien, c'est un peu ce qui est en train de nous proposer le G20. Un nouveau monde suite à l'horreur de la crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre les tréfonds du capitalisme. Le mieux, c'est de jeter un œil dans le journal qui inspire les grands théoriciens de l'économie libérale, le journal de Mickey. Ah oui, cette semaine, et notre Bernard Lhermitte nous en parlait tout à l'heure, Mickey vient d'avoir 80 ans. Mmh. Et dans le journal de Mickey, un canard bien établi et un indécrottable Donald capitaliste, page 77, on trouve... Une recette de financier à l'orange, qu'il faut beurrer, qu'il faut agrémenter de zeste finement râpé ou encore mélanger délicatement. Bon là, vous voyez, on a clairement le mode d'emploi d'un bon G20 réussi. Mais ce qui est intriguant, c'est que dans le journal de Mickey, le même numéro, sur la même page, juste au-dessus, on trouve une autre recette, toujours à l'usage du G20, mais cette fois-ci à appliquer aux contribuables. Apprends à ton chien le collier et la laisse. Si sur la même page, on apprend à beurrer les financiers et à diriger son chien pour qu'il obéisse aux ordres, c'est merveilleux, c'est toujours les mêmes qui se font miquer. Alors, non, c'est Philippe. Avec cette crise, donc, sommes-nous réellement arrivés à la fin des temps? Eh bien, rassurez-vous, moi je pense que les gros vont bien s'en sortir. Mais pour ce qui est d'eschatologie, les petits sont dans la merde. Merci Monsieur Mauduit pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes.